Mérite honte, silence sourdine et panier. Je dis pas que je panique pas le rap fan et n'est pas le raffiné. Femmes et fans s'enflamment pour des tempos battés au mal peaufiné. Ma gueule j'ouvre la fine, me vide car je l'avoue, je défine. Quand plus des listes, beaucoup sont saignés pour être signés. T'es pas consigné, pourtant tu rap le plus conseillé. Les conseillers s'agissent d'injures, à croire singe l'injure. Domineront un jour, franchissent qualité. Une fatalité, je pense pas à un manque de maturité, ouais. En dur au mal, j'durcis la procédure. Je sais que c'est dur de garder espoir quand certains sur deux, au moins un sur deux, sert du rap façon tardou pour parler de rue du jamais vu. Connu d'un dans l'idée, la question se pose, tu se la sors d'où. Bien que je sois mordu, ce rap me dégoûte. Dessus j'broute, comme dit l'autre, chacun sa route, chacun son chemin. Moi j'prends le mien, j'donne pas mon bout, j'reste net, j'm'efforce qu'on me respecte. Et là-dessus, gamin, j'y mets un point d'honneur. Respect oblige, respect oblige. Respect oblige, décale, décante, tire-toi, vais au bout, changerai pas de camp. Comme un même film, fille ou flou, tombe en même temps. Tu m'en diras tant, je veux aucunement sembler un de ces gens. Plein de faux semblants, vivant des cancans, comptant sur les autres dans caca. J'apprécie, je préfère encore plein, comme tu dis, c'est racaille sans le sou, prête à tout, tout le temps sous, parlant sans cesse, pas la prête dessous. Déçu de ça, je m'en bats, déblatérant, rap vétéran, tiens errant. Pas d'arrêt, invétéré qui vit en stérant. Prête à l'on des frères et d'arômes pour que l'embrouille se fasse enterrer. On soit éclairant, éclairant, ceux qui se reconnaîtront seront. La réussite. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi je suis là? Ben, je pense qu'à ça, je mets le paquet froid. C'est ma côte croise qui t'a bouffé par assis. Car ainsi se réussit, l'assemblée se réunit, ça fait en sorte pour tout voir Roissy. Je m'en bats, je donne pas mon boule, je reste net, je fais fort qu'on me respecte. Et là-dessus, gamin, j'y mets un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. Respect oblige. Chaque jour que je fais, j'essaie de faire en sorte que ça le fasse. Que ça se passe, j'ai pas de casse. Bien que j'ai pas de cash, un sport pro, mais sans le fric de pas de cash. Cache pas, cherche le Pascal, faut pas j'cale. Donc je me tue à la tâche pour fuir la misère. Ça prend des heures de trouver un plan à ma mesure qui m'assure fromage et dessert. Mon désir, mon soin, un Kaiser. Un prince des thunes, un brasseur. Je rêve, c'est rasoir. En attendant, travail, mes ménages, ménage. Ni les gars, ni le sol sur lequel je me lâche et je lynche. Car j'apprécie luxe et beau linge. De jeu, j'ai plus l'âge. Ce qui me boit de voir mon blase devenir plus large par d'être en marge. Donc corrigeons, marginalise-moi mon image. Être connu, me faire connaître en tant que poète, de méconnaître. Bah, je regrette tout le mal crime sale j'ai pu commettre. Je voudrais pas que mon gosse voie qui possède un père malhonnête. Y'a pas de quoi être fier, de toute façon je me fie à mon étoile, Allah ma comète. Comète au boumette, forêt frais de la santé, je reste net, je me forte qu'on me respecte, je donne pas mon boule. Et là-dessus gamin, j'y mets un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. Respect oblige. La critique, y met un point d'honneur. Section camouflage, cahier gosse, S, Noy. Ils mettent un point d'honneur. Respect oblige. Respect oblige. Dallas, ils mettent un point d'honneur. Les Dalton, ils mettent un point d'honneur. Vronk Division, ils mettent un point d'honneur.